C'est la saison des pluies déjà, et tout le monde me le dit. Elle est partie depuis des mois, cette fille, faut que tu l'oublies. Là où je vis,